بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، بعد ما أخذنا المقدمة في الدرس السابق، اليوم إن شاء الله سندخل في المسألة الأولى. وبندر لا بروميير مسألة، وهذه من أعظم المسائل، بل هي أعظم المسائل، والفرق بين الموحدين والمشركين. cette masala qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la plus grande, la plus importante sur laquelle s'est reposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle qui fait le point de distinction entre les mushrikin et les muwahidin, ce qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le principal point auquel s'est opposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux gens de la jahiliya. فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الأولى دعاء الأولياء والصالحين. La première mas'ala, c'est le fait d'invoquer, les rapprocher les alliés ainsi que les gens pieux, c'est-à-dire les morts parmi eux. قال رحمه الله تعالى dans le matn, là on va lire le matn, il dit أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc il dit que il voue un culte à Allah en cela, en associant avec les gens pieux dans les invocations vers Allah SWT et dans son adoration. Ils veulent par là obtenir l'intercession et shafa'a auprès d'Allah SWT, pensant que Allah aime cela et que les gens pieux aiment cela. Comme Allah dans le sens où il dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit ni ne leur sert à rien, ne leur apporte aucun profit. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وقال تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. Dans le sens où il dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. وهذه أعظم مسألة خالفها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بإخلاص وأخبر أنه دين الله أرسل به جميع الرسل أرسل به جميع الرسل وأنه طيب. Et donc là, comme nous avons expliqué dans le maître, toujours il dit que ça c'est le principal, le plus grand point auquel s'est opposé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم aux gens de la jahiliya, qui est l'ikhlas lillah, et qu'il a affirmé que les messagers n'ont été envoyés que pour cela. وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسنه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Il dit également que les œuvres ne sont acceptées, parmi les œuvres, ne sont acceptées que ce qui est sincèrement voué à Allah. Et qu'il a affirmé que ce que ces gens ont fait comme acte qu'ils ont vu comme étant convenable, c'est-à-dire les mushrikoun, d'invoquer les pieux et Ghayr Zalika, celui qui fait cela, Allah lui a rendu interdit le Jannah et son refuge sera le feu. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمنين وكافرين وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc c'est ce même point sur lequel les gens sont divisés, et c'est pour ce même point qu'on a vu qui est le croyant et qui est le mécréant. Et c'est sur ce même point qu'est venue l'animosité entre les croyants et les mécréants. Et c'est pour ce même point que le jihad a été rendu légiféré, comme Allah dans le sens où il dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire c'est le shirk dans le verset, et que la religion soit entièrement pour Allah. Donc là c'était le matn, la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. فقال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام قال قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة حق الله عز وجل لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان فالجاهلية عكسوا ذلك أو عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله عز وجل من الأصنام والأحجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين. Dans le sens Allah où il dit, je n'ai créé que les hommes, ou les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Il dit, l'adoration, c'est le droit d'Allah. Il n'est pas permis d'adorer qui que ce soit avec lui, qui qu'il soit. et que les gens de la Jahiliya, eux, justement, ont fait le contraire de cet ordre. Ils ont délaissé l'adoration d'Allah, que ce soit personnellement ou totalement, celle pour laquelle ils ont été créés, et ils sont mis à adorer autre que Allah, parmi les idoles, parmi les arbres, parmi les pierres, parmi les djinns, parmi les anges, parmi les hommes pieux et les rapprochés. فَصَرَّفُوا عِبَادَةَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ أَصْلًا وَهُمْ الْكُفَّارُ من الملاحدة والدهرية ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. Donc il dit, donc ces gens-là ont tourné l'adoration pour autre que pour Allah, Azza wa Jal. Et parmi eux, il y a ceux qui n'adorent pas du tout Allah. Et eux sont les mécréants parmi les athées. Et parmi eux, il y en a qui adorent Allah et autre que lui avec lui. Et eux, on appelle ça les mouchrikon. À savoir que tout athée, tout kafir est forcément mouchrik, comme on l'a déjà expliqué. Car même s'il n'adore pas Allah, il finira par adorer autre que Allah, car il a été créé pour adorer. Naam. Et après le shaykh dit qu'à la base, que ce soit un athée ou un mouchrik ou un zalika, le jugement est le même pour tous. Celui qui adore avec Allah autre que Allah ou celui qui n'adore pas du tout Allah, ils auront le même jugement. Que ce qu'ils font comme acte, c'est bâtil, c'est refusé, ce n'est pas accepté. Et également, il faut que l'action, l'acte d'adoration, soit conforme avec la législation. Donc Allah n'accepte pas la bid'a, tout comme il n'accepte pas le shirk, les œuvres auxquelles ont été liées autres que lui, dans le qasd. Donc le plus grand point de la jahiliya, c'est le shirk billah azza wa jal, ou l'ibtida', le fait d'innover, car ils ont apporté des choses qui n'ont pas été légiférées. Naam. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المسألة. Donc le shir a commencé par ce point-là. لأن أخطر مسائل الجاهلية. Car elle est le point le plus dangereux de la jahiliya. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est la première mas'ala dans laquelle il a blâmé les mouchriks. Ay al-ikhlas lillah. Donc il a appelé les gens à cela, à délaisser cela. Et tous les messagers ont appelé au même message. On commence par cela. Al-tawhid. Al-ibada lillahi wahda. Adorer Allah seul. Et ça, le tawhid, c'est la fondation sur laquelle se basent tous les autres actes. Cette fondation-là est mauvaise et ne tient pas, tout le reste ne tiendra pas non plus et s'écroulera. Que ce soit le hajj, que ce soit la salah, que ce soit les sadakas, il n'y a aucune faïda à tirer des actes bâtis sur le shirk à la base. Naam, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grandeur, celui qui commet du shirk, akbar, ou qui fait une action qui n'est pas pour Allah, cette action-là, elle sera vaine et ne sera pas acceptée. Donc, l'ordre de toute chose, c'est le tawhid. Donc, il poursuit en disant que, justement, les gens de la jahiliya adoraient beaucoup de choses. Parmi eux, ceux qui adoraient les awliya. Parmi eux, ceux qui adoraient les salihin. Comme cela est arrivé au peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'ils ont exagéré dans les salihin, qui étaient Wad, Wasuar, Waya'uth, Waya'uq, Wanasr. Ils ont adoré leur tombe, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en argumentant que cela était des gens pieux. Et que cette adoration les approchait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et serait une intercession pour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cette adoration qu'ils faisaient envers ces gens-là, qu'ils les prenaient comme intercesseurs, comme intermédiaires, comme wasita ou comme shafa'a entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est du shirk. Le fait de placer un intermédiaire entre toi et Allah et de l'adorer. Et quand bien même que tu vois que cette adoration n'est pas l'adoration et que Allah, lui, l'a déclaré comme étant adoration, c'est du shirk. Naam. Donc le shirk poursuit en disant toujours que l'adoration est totalement inutile si elle ne renferme pas, si elle n'est pas basée sur l'ikhlas ou la mutaba'a du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le suivi prophétique. Et aujourd'hui, il poursuit en disant كَذَلِكَ نَفْسُ الشَّيْءَ الْأَنْ هَاُولَى الْكُبُورِيُونَ إِذَا نُوْقِشُوا وَنُوهُ عَنْ عِبَارَةِ الْكُبُورِ قَالُوا نَحْنُ لا نعبد الكبور لأن العبادة لله لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده. Donc aujourd'hui les gens, les kubouriyoun, ceux qui adorent les kubour, qui vont invoquer les morts, parmi ceux qui pensent comme étant des aouliyah ou des salihin, et parmi eux certains le sont pour de vrai, d'autres ne le sont pas, c'est la même choubouhette qu'ils ont. Qu'ils disent, nous n'adorons pas ces tombes et ces habitants. Cependant, nous les prenons comme intermédiaire, intercesseur entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la même chose. Que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que que ce soit un homme pur, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un homme dans une tombe, c'est le même jugement. La forme change, mais le fond reste le même. وهذا والذي أنكره الله تعالى على الجاهلية تماما قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc c'est exactement ce que Allah SWT a reproché aux gens de la Jahiliya, ces actes. Dans le sens où il dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ni ne leur nuit, ni ne leur tire, ne leur apporte profit. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc regardez bien, Allah a nommé cela comme étant adoration. Bien que eux le nient, ce qu'ils font, c'est une adoration. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapportent ou qu'ils nous rapprochent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on voit que certains d'entre eux reconnaissent et appellent cela adoration, et d'autres non. Donc eux, ils n'ont pas invoqué ou adoré ces créatures en dehors d'Allah, du fait qu'ils participent à la création avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans le risque, ou qui donne la vie, qui donne la mort. Eux, ils reconnaissent que cela revient à Allah seulement, à Rububiya. Cependant, ils ont adoré qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent quoi? Nous, nous sommes des gens, des masakin. Nous avons beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. Taksir, voilà, kusur, wanaqa'is. Donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala, ne va pas accepter de nous. Mais ces gens-là, qui eux sont déjà morts et qui sont des gens pieux, Allah les aime, sont des gens bien, donc eux pourront intercéder auprès de nous, subhanahu wa ta'ala. Et ça, parmi les choubouettes qu'ils ont. Et cela est faux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'adorer seul, de l'invoquer lui seul. Et que Allah pardonne tous les péchés pour celui qui se repentit sincèrement auprès de lui. Même le shirk, le kouf, celui qui s'en repent avant de mourir, Allah lui pardonne. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية هذه نتيجة الجهل بأمر بأمور الجاهلية. Donc il dit, malgré cela, ces gens, ces koubourioons, qui invoquent les gens dans les tombes, ils lisent le Coran, ils le récitent, et ils passent sur ces versets, tous ces versets, mais ils ne prêtent pas attention. Et malgré cela, ils persistent et continuent à adorer les tombes. D'accord ? Et cette action qu'ils commettent, c'est l'action des gens de la jahiliya. Pourquoi ? Car ces gens-là, comme on l'a dit au début dans la Muqaddima, ignorent qu'est-ce que était la Jahiliya et sa réalité. Donc le fait qu'il ignore a amené ce qui tombe dedans. Tamaman. Comme il le dit, ça c'est le résultat de l'ignorance des choses de la Jahiliya. Quand on ne connaît pas, on tombe dedans. Thumma qala: Hal Allah 'azza wa jalla bi hajatin ila an yuj'al baynahu wa bayna al-'ibad aw bayna al-'abd wasita? Allah 'azza wa jalla qarib mujib yasma' wa yara. ويرحم ويقبل التوبة عن عباده ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء بل أمرنا بدعائه مباشرة قال فادعوا الله مخلصين له الدين. Donc j'ai dit, est-ce que Allah a besoin que l'on fasse, que l'on mette un intermédiaire entre nous et lui, entre le serviteur et lui? Il dit, Allah Azza wa Jal, il est proche, il répond, il entend, il voit, il fait miséricorde, il accepte la tauba de ses serviteurs, et il ne nous a jamais ordonné de prendre des intermédiaires dans les invocations. Mais plutôt le contraire, il nous a demandé de l'invoquer directement, dans le sens où il dit, et invoquer Allah sincèrement. وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِيبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Il dit dans le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enflent d'orgueil dans mon adoration, entreront au feu de l'enfer. Totalement. Amarana Allah bidu'a'ihi mubasharatan wa lam ya'murna bi-ittikhaz al-wasa'it baynana wa baynahu. Que Allah nous a ordonné de l'invoquer directement sans prendre d'intermédiaire entre nous et lui. Faqal وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وبقية الإصلاحات تأتي تبعا لذلك. Donc ça c'est le manhaj, la voie des envoyés, des prophètes et des messagers. Alim as-salatu wa-salam. L'appel à l'adoration d'Allah seul. Et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et toutes les choses qui viennent par la suite comme rites ne sont que un suivi de cet ordre. D'accord ? Toutes les adorations des membres du cœur en dehors de Tawhid ne sont que des choses basées sur ce Tawhid. Donc Allah n'accepte que ce qui est sincère pour lui, voué pour lui exclusivement. Donc l'acte, comme il le répète le shirk, doit être sincèrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dénué du shirk, et conforme à la sunna prophétique, dénué de bid'a, sans quoi il est refusé. Comme a dit Ta'ala, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Adorez Allah et ne lui associez rien. Donc il le dit bien le shirk, que Allah ne nous a pas simplement ordonné de l'adorer, mais il nous a ordonné de l'adorer et de ne pas adorer quoi que ce soit en dehors de lui. Comme on a dit dans la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seulement que nous cherchons de l'aide. Et c'est ça le tawhid, mana la ilaha illallah, an-nafi wa l'ithbat, l'affirmation et la négation. On affirme l'adoration pour Allah et on renie tout ce qui est en dehors de cela. Donc les gens disent j'adore Allah, on dit possible tu adores Allah, mais tu n'adores pas que Allah, tu adores autre que lui en dehors de lui. Donc ton adoration elle sera vaine, ton adoration elle sera vaine, elle sera rejetée. Donc là c'était le cas des gens de la Jahiliya. Donc le fait qu'il ait dit وَعِنْدَهَا وَقَعَتْ الْعَدَاوَةِ, c'est par cela qu'est tombée l'animosité entre nous et les mouchriquines. Voyez. Pourquoi? Car il est obligatoire aux croyants d'éprouver de la haine envers les mécréants, du fait qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme les mécréants auront de la haine envers les croyants, du fait qu'ils renient leurs adorations en eux, et qu'ils sont contre, qu'ils s'y opposent et qu'ils appellent à les délaisser. Ils n'acceptent pas cela. Donc là, la adawa, elle est tombée. Seulement, il y a une adawa qui est makboula, mashrou'a, et celle qui ne l'est pas. Si elle est pour Allah, elle est acceptée, elle est même une obligation sur nous. Cette adawa est une obligation sur nous. Mais leur adawa à eux, elle est fausse, elle est vaine, car elle est faite pourquoi? Pour leurs adorer à eux, et pour leur religion fausse, et pour leurs idéologies, et pour leur dunya et les alika. Donc leur adawa, elle, à eux, elle est mauvaise. Et le shir, il poursuit en disant, فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا نَحُوُ الْكُفَّارِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ. Par rapport au kuffar, trois choses nous concernent. Al-amr al-awwal, adawatuhum liannahum a'da'u Allah subhanahu wa ta'ala wa a'da'u li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, l'animosité dont on doit faire preuve envers eux, car eux sont des ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-amr al-thani, da'watuhum ila al-iman wa attiba' al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha amrun wajibun ala al-muslimin. Deuxième chose, de les appeler à la foi et au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une chose qui est obligatoire pour les muslims. Al-amr thalith, jihaduhum izaidu'u ila l'islam wa abaw, falwajibu jihaduhum wa kitaluhum, qala ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatum wa yakuna dinu kulluhu lillah. Donc troisième point, c'est le fait de les combattre si jamais ils sont appelés à l'islam et qu'ils refusent. D'accord? Il est obligatoire de les combattre, comme qala ta'ala, dans le sens, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que l'adoration soit pour Allah seul, ou le dîn soit pour Allah seul. Mais il dit فَالْمَرْحَلَةُ الْآخِرَةُ مَعَهُمْ الْقِتَالِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطِيقُونَ الْقِتَالِ. Donc par contre, il y a une condition pour le djihad, le shirk le précise, c'est que les muslimouns sont en mesure de le faire. D'accord? On le répète دَئِمَنْ وَأَبَدَنْ, que le jihad est une chose légiférée, c'est le sommet de l'islam. Cependant, il se fait avec des conditions, et parmi les conditions du jihad, qu'il soit réalisable. Qu'il soit réalisable. Chose qui n'est pas le cas actuellement. Le jihad pour étendre le tawhid sur terre, actuellement là, par le biais des armes, n'est pas réalisable. Donc nous, c'est quoi notre travail qui nous revient? d'apprendre la science, de l'appliquer, d'y appeler et de patienter. Et de patienter. Une da'wa sans science n'aboutira pas à grand-chose. Ou peut-être même apportera de très mauvais résultats, comme le fait de tomber dans la transgression, car on ignore quelles sont-elles, et dans la bid'a, car on ignore quelles sont-elles, et voire même dans le shirk, car on ignore qui il est. Et c'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui, qui tombent soit dans les transgressions, dans les ma'asi, soit dans la bid'a, ou dans le shirk. Pourquoi ? Pour l'ignorance. Ce maqal, « Wa hadhihi al-aya fiha bayyana al-hikmati min al-jihad fi l'islam, wa annaha izalatu shirk حتى لا تكون فتنة والمراد بالفتنة الشرك أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله هذا هو المقصود من الجهاد ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيالة على الممالك وحصول الثورة ليس هذا هو المقصود المقصود إعلاء كلمات الله عز وجل وإزالة الشرك من الأرض وهذا هو المقصود وقل دي سوفيرسي سيتي démontre bien quelle est la sagesse et le but du djihad en islam, qui est le fait d'anéantir le shirk, et que la religion ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, qu'il n'y ait plus de shirk sur terre. C'est ça le but du djihad, en réalité. Ce n'est pas le but d'établir ou d'élargir un royaume en soi, ou de prendre le dessus sur les opposants, ou de provoquer, mesalen, des révoltes. Non. Le but, c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en élargissant le territoire des muslimines, c'est quoi le but ? Plus on élargit les territoires des muslimines, et plus Allah y est adoré. Le but n'est pas d'avoir une plus grande terre, d'être le plus riche. Le Mujarrad, Al-Rina, là, Al-Qasd, wa an yuntasha al-tawhid ala wajh al-ard. Et il finit à la fin, il finit en disant que le djihad, comme vous le savez, deux catégories. Jihad ou ad-difa' ou jihad ad-talab. Et là, tous les versets appliqués font office jihad talab. Le fait d'aller vers les mouchriquins et de les combattre, c'est talab. Il y a des conditions. Amma ad-difa', ce jihad, jusqu'à aujourd'hui, il a lieu. De te défendre. Parce que ton ennemi veut s'en prendre à toi, tu te défends. Tu défends le tawhid en faisant cela. Tu défends le tawhid. Et ça amène à sa propagation. Mais il y a une différence dans les règles et dans la relation entre le tawhid, entre jihad et difar, ou jihad et talab. Et ça, c'est notre sujet encore. Là. Donc là, on a pris la première mas'ala aujourd'hui. On l'a pris en résumé, parce que le chien dit beaucoup de choses autres. Mais l'essentiel a été cité là, alhamdoulilah. Le premier point, qui est parmi les points de le jahiliya auquel se pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le shirk. D'accord ? C'est le shirk. Qu'ils adoraient autre que Allah, qu'ils invoquaient autre que Allah, qu'ils invoquaient parmi les gens pieux, parmi les awliyas ou les zalika. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, et la première chose à laquelle il l'a appelé, c'est adorer Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fabi hadal qadr naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.